À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, se sont déroulés des rassemblements commémoratifs, séminaires, expositions de photos et de livres, séances de films et spectacles artistiques en Russie, en Bulgarie, en Finlande, au Mexique, au Pakistan et en Suède. Y ont participé les personnalités et habitants des pays hôtes. Dans les salles de cérémonie, il y avait les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y étaient présentées également les photos sur les exploits immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, les œuvres classiques des grands hommes Paektusan, les livres et photos montrant la Corée Chuche qui avance vigoureusement vers la victoire finale suivant la direction du grand parti. Lors des séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Ma patrie victorieuse grâce à l'unité monolithique ». Aux cérémonies tenues en Suède, en Bulgarie et en Finlande, on a adopté les messages de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.